En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler, la semaine passée, j'étais en vacances, évidemment, et l'un des plus grands athlètes du monde du sport au Québec et dans le monde, Georges St-Pierre a annoncé sa retraite. Et question un peu de savoir un peu... faire le bilan de la carrière de GSP. D'habitude, on parle avec Claude Perron. On va lui parler vendredi d'ailleurs, mais j'ai décidé de faire un petit spécial et j'ai parlé avec l'analyste RDS, Pat Côté. Salut, Pat. Salut, ça va? Ça va bien, ça va bien, Pat. On va retenir quoi de la carrière de GSP? Est-ce qu'on peut parler, je ne sais pas si c'est un grand connaisseur de tous les sports, mais est-ce qu'on peut parler d'un des plus grands athlètes sportifs québécois de tous les temps? Bon, même canadien, écoute. Même canadien. Même international. Écoute, quand on regarde ça, écoute, Georges, on peut le mettre dans la catégorie des légendes de son sport. C'est un des meilleurs athlètes canadiens qui a jamais sorti du pays. Un des plus connus, sans contredit, internationalement, là, beaucoup plus que des joueurs de hockey, là, on s'entend. Là. Georges, c'est un pionnier, il a fait avancer son sport, il a fait améliorer son sport également. Et tout en faisant ça, ben, il a fait des performances sportives incroyables. Ah oui, effectivement. Est-ce que tu as été surpris pareil? Évidemment, non, hein, plus tard. Moi, ce que je suis surpris, là, c'est qu'il a fait un camp d'entraînement. Il est revenu après seulement pour un combat seulement. Il a fait tout ça pour un combat. C'est ça qui m'a le plus surpris. Moi, je m'attendais au moins qu'il allait avoir 3, 4, 5 combats. Ouais, ben, je veux dire, il est revenu pour un combat, mais par la suite, il aurait fait bien avoir un autre combat. Mais là, je ne serais pas battu pour des combats ordinaires. On s'entend. Ouais. Il est revenu pour mettre quelque chose à son héritage, à sa legacy. Et il n'était pas intéressé à redevenir champion du monde des 170 livres. Je pense que Georges, il était indépendant de fortune plus qu'une fois. Là. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question de racheter quelque chose à sa legacy, comme on appelle. Donc, le seul combat qui était intéressant pour lui, c'était peut-être de devenir champion du monde dans trois catégories de poids différentes. Donc, se battre à 155 livres, on sait que ça n'a pas trop marché. Donc là, Khabib et lui se parlaient, voulaient faire un combat à poids hybride, à catch weight. Mm. Et finalement, écoute, je pense économiquement, pour le futur, l'UFC a décidé de pas faire ce combat-là. Et je les comprends, je me mets dans leur place. C'est sûr que c'est plate pour nous, on peut pas revoir un Georges en sachant à 100% que c'est son dernier combat. Mais la décision de Georges, je la trouve très intelligente et je pense qu'il a bien fait. OK. Lui, Georges, il va avoir fait avancer aussi, je pense, l'héritage au-delà de ses combos, au-delà des arts martiaux mixtes et son sport, l'histoire des stéroïdes, l'histoire également de... Est-ce que tu penses que lorsqu'il avait pris une pause, c'était un peu pour ça aussi? Il a fait avancer son sport de ce côté-là aussi, là. Beaucoup plus testé. Bon, beaucoup... 100%, ça a été, ouais. 100%, ça a été son cheval de bataille pendant des années et des années. Et c'est la raison pour qu'il est resté à l'extérieur de la cage pendant 4 ans. Il voulait revenir, mais il voulait revenir avec un sport beaucoup plus propre. Bon, c'est pas parfait encore. Sauf que quand on regarde l'USCDA, qui est dans l'organisation de l'UFC, des gros noms qui se sont fait prendre, eh bien ça, c'est 98% de la faute de Georges St-Pierre. Là. Quand il est parti, il disait qu'il allait amener une compagnie qui était véridique, qui allait tester les fighters, qui allait tester les combattants et qu'il allait rendre ce sport-là un peu plus propre. Tout le monde riait de lui, même les dirigeants, même Dana White. Mm. Quand il est revenu 4 ans plus tard, Michael Bisping, bien des choses ont changé. Donc lui, vraiment, il a réussi à faire avancer son sport, à rendre son sport plus propre et à améliorer son sport. Donc ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire. OK. GSP pour Patrick Côté, ça dit quoi? Est-ce que ça a été une source d'inspiration? Est-ce que qu'est-ce qu'il représente, Georges St-Pierre, pour Pat Côté? Ben, ça a été un modèle sportivement, quand on regarde ça. Tu sais, si ton enfant veut avoir un modèle à qui se fier pour avoir un parcours exemplaire d'athlète professionnel, ben, tu regardes le parcours de Georges St-Pierre. Même si tu n'aimes pas ce sport-là, tu vas aller voir au-delà du sport et tu regardes que Georges, tout ce qu'il a fait pour le sport, tout ce qu'il a fait en étant lui-même, en étant sportif, mais en étant un être humain également. Il n'y a jamais, il n'y a pas de nuage noir autour, en haut de la tête de Jean Sinclair. Il a toujours été un athlète exemplaire et à l'intérieur et à l'extérieur de l'octogone. Et ça, ben regarde, on peut pas nier ça. Là. Il s'est jamais fait prendre pour rien à l'extérieur, que ce soit avec n'importe quoi. Là. Mais quand tu regardes les plus grands de ce jour, c'est pour ça que moi je dis que c'est le plus grand de tous les temps. Parce que oui, quand tu regardes les qualités athlétiques, il y a des John Jones, il y a des Anderson Silva, ça c'est vrai, mais si tu regardes sur qu'est-ce qui est basé un athlète professionnel qui est une vie aussi exemplaire à l'extérieur de l'octogone, ben pas le choix de donner ce titre-là à Jean Chabert. Pour moi, c'est le plus grand de tous les temps. OK. Est-ce que tu parles de Anderson Silva, est-ce que c'était un petit peu sa plus son regret? Parce que longtemps, on a parlé d'un combat Anderson Silva contre Georges St-Pierre. Est-ce que c'était quelque chose, selon toi, qui va manquer dans la carrière de Georges? Ben, pas dans la carrière de Georges, non. On pourrait dire la même chose dans la carrière d'Anderson Silva. Écoute, quand les deux étaient au top, c'était le combat à faire. Il a manqué la fenêtre pour faire ce combat-là. Ça a été un combat spectaculaire, mais en même temps, c'est touché là, quand tu mets deux vedettes comme ça pour un UFC, pour l'organisation, c'est qu'il y en a un des deux qui va... Oh Pat, est-ce qu'on t'a perdu? C'est très, très dangereux pour l'organisation et c'est très, très touché, comme je disais. Là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a manqué, mais en même temps, ça a été vraiment le combat que tout le monde aurait voulu voir. Qui tu penses qui aurait gagné, Pat? T'aurais eu un petit 2 à mettre. Qui tu penses qui aurait gagné? C'est dur à dire parce que quand les deux étaient au top, là, ils étaient tellement dominants dans des facettes différentes. Georges était tellement dominant au niveau du timing, au niveau de sa lutte, au niveau du ground and pound. Puis Anderson Silva était tellement solide debout avec son jeu de jambes. Ça aurait été une guerre de stratégie là, vraiment là, intéressante d'avoir. OK. Pour le UFC, ça veut dire quoi la perte de Georges St-Pierre? Parce que Conor McGregor, longtemps, Georges St-Pierre a été le cheval de battu, a été vraiment là, celui que Dana White a vendu, a servi pour vendre le UFC. Là, maintenant, je regarde des vedettes. Il y a Khabib, le Russe, Conor McGregor, John Jones. C'est pas très beau, là. Il y a eu Ronda Rousey qui a vendu également, Mandy qui a vendu beaucoup. Fait que la perte de Georges St-Pierre pour le UFC, est-ce que c'est quand même... Là, c'est sûr qu'on vient de signer un gros contrat avec ESPN, c'est positif, mais certainement que c'est une grosse perte pareille. Oui, mais tu sais, on s'entend, il s'est battu une seule fois dans les 6 dernières années. Ouais. Donc, tu sais, on savait qu'il allait partir, que c'était imminent. Le seul survécu quand même quand il n'était pas là, et il y a toujours quelqu'un qui va prendre la place. Mais la perte de Georges dans l'UFC, c'est vraiment le dernier de la lignée de combattants qui était capable de remplir des stades et vendre des pay-per-views sans faire de trash talk. Tout le monde se déplaçait et voulait revoir les combats de Georges juste à cause de ses performances sportives. Maintenant, tu regardes tous les combattants qui sont quand même des grosses vedettes, sont bons, mais sont plus forts en gueule. Donc, Georges n'a jamais eu besoin de manquer de respect envers son adversaire ou vraiment de faire du gros show-off pour remplir les salles. Et ça, on l'a vu le dernier coup quand il est revenu au Madison Square Garden. C'était incroyable l'accueil qu'il a reçu quand il est rentré dans l'aréna. Au niveau des Québécois, dernière question, Patrick, parce que Georges St-Pierre, on ne se contente pas d'histoire, la popularité du UFC a un petit peu baissé avec Québec là, depuis la perte de Georges St-Pierre. Est-ce qu'il y en aurait un qui pourrait... Je sais qu'il y a Aubin Mercier qui est là-dedans aussi, mais est-ce qu'il y en a d'autres, là, des jeunes qu'on n'entend pas, parler du tout, qui sont dans l'organisation du TKO, qui ont un avenir très intéressant, qui pourraient faire en sorte, qui pourraient prendre la relève de Georges St-Pierre? Je te parle au Québec. Là. Ben, on a Marc-André Barrio qui vient de signer, qui va se battre le 4 mai à Ottawa. Donc ça va être intéressant de voir s'il va être capable de trouver son épingle du jeu à 185 livres à son premier combat. Il y a aussi Charles Jourdain qui est aux portes là, vraiment de l'UFC. On espère vraiment qu'il va avoir une collaboration avec Charles Jourdain et l'organisation de TKO pour pouvoir le laisser aller, là, puis pour pouvoir le laisser aller de son contrat et qu'on va pas le retenir un peu trop là, pour qu'il manque sa chance. C'est un combattant qui est vraiment, vraiment spectaculaire, qui est capable de donner des gros knock-outs, des grosses performances. Donc, j'espère qu'il va y avoir de la coopération du côté de l'organisation de TKO. Mais en même temps, quand on regarde ceux qui sont vraiment là présentement, même si Olivier Bemercier a eu une petite, pas une descente aux enfants, mais tu sais, je veux dire, il est dans un petit creux de vague présentement. pour moi, il reste le combattant, le Québécois présentement, là, qui a le plus de chances de faire des grosses vagues et de percer dans le top 10 mondial. Il y a eu deux grosses défaites à ces deux derniers combats, mais moi, je connais Olivier, je me suis entraîné avec, je l'ai coaché aussi. Donc, je sais le talent qu'il a et vraiment, là, il a vraiment, vraiment gros talent. Je pense qu'il faut juste qu'il revienne à ses bases, qu'il revienne en pleine forme physique et mentale. Il pourrait réexploser. Pas de côté, un gros merci pour le plaisir de se parler nous tantôt. Merci beaucoup.